cœur l'attend une minute. Je sais que t'as pas le temps, mais accorde-moi une minute. Je ne resterai pas longtemps, je ne parlerai pas trop. Je te parle de sentiments, risque de te paraître cynique. À ton coup, cœur, ne me tourne pas le dos. Je pourrais jouer au gentleman et faire mon numéro. Je pourrais faire le mec sincère, te dire que tu me plais, te la faire à l'envers, mais est-ce que pas dans mes versets. Dire que tu es ma princesse, que mon cœur s'emballe et que tu es ma veste. Que mon cœur se manifeste et que les étoiles pour nous feront le reste. Que tu es celle qu'il me faut, le genre de mythomane qui flatterait ton ego. Alors accorde-moi une minute, juste encore une minute pour te prouver que je suis l'homme qu'il te faut. Braquerai ton cœur, braquerai ton cœur.